Ivan Turgenev après la mort. Au printemps de l'année 1878, à Moscou, dans une petite maison en bois sur la Chabalovka, vivait un jeune homme de 25 ans du nom d'Aratov. Avec lui habitait sa tante, une vieille fille de plus de 50 ans, sœur de son père, Platonida Ivanovna. Elle prenait soin de son ménage et réglait les dépenses, chose dont il était absolument incapable. Il n'avait point d'autres parents. Plusieurs années auparavant, son père, petit gentilhomme peu aisé du gouvernement de T, était venu s'établir à Moscou avec lui, et Platonida, que du reste il appelait toujours Platosha, nom que son neveu lui donnait aussi. Ayant abandonné la campagne qu'ils avaient tous constamment habitée jusqu'alors, le vieil Aratov s'était établi dans la capitale avec l'intention de faire entrer son fils à l'université. C'est lui-même qui lui avait fait faire les études préparatoires. Il acheta pour peu d'argent une maison dans une des rues écartées de Moscou et s'y installa avec ses livres et ses préparations. Il en possédait beaucoup de ses livres et de ses préparations. Car c'était un homme qui ne manquait pas de science, un original fini, d'après le dire de ses voisins. Il passait près d'eux pour sorcier, même il lui avait donné le surnom d'observateur d'insectes. Il s'occupait de chimie, de minéralogie, d'entomologie, de botanique et de médecine. Traitait les clients volontaires avec des herbes, avec des poudres métalliques de son invention, d'après la méthode de Paracelse. Ces poudres métalliques furent un peu cause de la mort de sa jeune, jolie mais bien fragile petite femme, qu'il aimait passionnément et dont il avait eu un fils unique. Ces poudres avaient même déjà eu quelque sorte ébranlé la santé de ce fils, qu'il voulait au contraire fortifier en trouvant dans son organisme de l'anémie et un penchant à la phtisie, héritage de sa mère. Sa réputation de sorcier lui venait en outre de ce qu'il croyait être un arrière-petit-neveu, indirectement, il est vrai, du célèbre Bruce, en l'honneur duquel il avait donné à son fils le prénom de Jacques. C'était un de ces hommes dont on dit qu'ils sont à la bonté même, mais d'un caractère mélancolique, méticuleux, avec un penchant vers toute chose mystérieuse et étrange. L'exclamation « Ah !» exhalé à demi-voix, lui était habituel. Il mourut même avec cette exclamation sur les lèvres, 2 ans après être venu s'établir à Moscou. Son fils Jacques ne ressemblait pas du tout à son père, qui, gauche et mal bâti, n'était pas beau de sa personne. Il rappelait plutôt sa mère. Les mêmes traits fins et gracieux, les cheveux soyeux et d'un blond cendré, le petit nez légèrement aquilin, les lèvres pleines et enfantines, et de grands yeux d'un gris verdâtre que de longs cils voilaient à demi. C'est par le caractère qu'il rappelait son père, et son visage, quoique dissemblable, portait comme un reflet de l'expression paternelle. Il avait aussi les mains noueuses et la poitrine rentrée du vieil Aratov, que l'on nommait à tort vieux, car il n'avait pas 50 ans au moment de sa mort. Encore du vivant de son père, Jacques était entré à l'université, à la faculté des sciences naturelles. Cependant, il ne termina pas ses cours, non par paresse, mais parce que, d'après sa conviction, l'université n'apprenait pas plus qu'on en pouvait apprendre à la maison. Quant au diplôme, il ne s'en souciait guère, car il n'avait pas l'intention d'entrer au service de l'État. Il évitait ses camarades, n'avait presque pas de connaissances, fuyait surtout la société des femmes et vivait solitaire, enfoui dans ses livres. Il fuyait les femmes tout en ayant le cœur très tendre et très accessible à l'influence de la beauté. Il s'était même procuré une superbe kipsek en anglais, dans lequel il contemplait avec une admiration sincère, ô honte, les yeux énormes, les bouches en cœur et les coupes penchées, les ravissantes Médoras et Guinarès qu'il illustrait. Mais sa timidité et sa pudeur native continuaient à le retenir loin des femmes. La chambre qu'il occupait dans la maison et où il couchait avait été le cabinet de son père et son lit était celui-là même où son père était mort. L'aide principale, le camarade et l'ami immuable de son existence, était cette tante, cette piâtre chat, avec laquelle il échangeait à peine 10 paroles par jour et sans laquelle il n'aurait pu faire un pas. C'était un être au long visage, aux longues dents, avec des yeux pâles dans une pâle figure, avec une expression constante de tristesse mêlée d'anxiété soucieuse. Toujours vêtue d'une robe grise et d'un châle gris qui sentait le camphre, elle errait dans la maison comme une ombre à pas silencieux, soupirait, murmurait des prières, une surtout qui ne consistait qu'en 3 mots, « À l'aide, Seigneur !» Avec cela, excellente ménagère, regardant à chaque copec, elle sentait même tous les achats. Elle adorait son neveu, se préoccupait constamment de sa santé, avait peur de tout, non pour elle-même, mais pour lui. Et chaque fois qu'elle croyait voir quelque chose d'un peu suspect, elle lui plaçait en tapinois une tasse de thé pectoral sur sa table à écrire, ou bien lui passait le long du dos ses petites mains molles comme de la ouate. Ses soins ne fatiguaient pas Jacques, mais il ne buvait pas le thé et se contentait de balancer la tête d'un air approbateur. Du reste, lui non plus ne pouvait se vanter de sa bonne santé. Il était très impressionnable, très nerveux. Il souffrait de battements de cœur et quelquefois d'étouffement. Comme son père, il croyait qu'il existait dans la nature et dans l'âme humaine des mystères qu'on peut quelquefois pressentir mais qu'il est impossible de comprendre. Il croyait à la présence de certaines forces, de certaines influences, rarement favorables, plus souvent ennemies, et il croyait aussi à la science, à son importance et à sa dignité. Dans les derniers temps, il s'était pris de passion pour la photographie. L'odeur des matières qu'on y emploie inquiétait beaucoup la vieille tante, non pas pour elle, bien entendu, mais pour son yacha. Mais, avec toute la douceur de son caractère, il n'était pas simplement obstiné, et il persistait à s'adonner à son occupation favorite. Platcha se soumit. Seulement elle soupirait, murmurait plus qu'auparavant son « À l'aide, Seigneur !» en voyant les doigts de son neveu barbouillé d'iode. Jacques, comme on l'a dit déjà, évitait ses camarades. Pourtant, il s'était lié assez intimement avec l'un d'eux et il continua à le voir souvent, même après que celui-ci, ayant quitté l'université, eut pris un service assez doux, il est vrai. Il s'était, selon son expression, faufilé dans la commission nommée par l'État pour la construction de l'église du Saint-Sauveur, quoiqu'il n'entendît rien à l'architecture. Et chose étrange, cet unique ami d'Aratov, du nom de Kupfer, un Allemand tellement russifié qu'il ne savait plus un mot de sa langue maternelle, et traitait d'Allemand celui qu'il voulait injurier, cet ami d'Aratov n'avait à première vue rien de commun avec lui. C'était un garçon aux cheveux noirs et bouclés, aux joues rouges, gai, bavard et grand amateur de cette même société féminine qu'Aratov évitait avec tant de soin. Il est vrai que Kupfer déjeunait et dînait chez son ami assez fréquemment, et même, n'étant pas riche, lui empruntait quelquefois de petites sommes d'argent. Mais ce n'est pas cela qui poussait si vivement le jeune homme à fréquenter la modeste maison de la Chavolovka. La pureté d'âme, l'idéalisme de Jacques lui plaisait. Était-ce par le contraste que ses qualités formaient avec ce qu'il rencontrait et voyait tous les jours, ou bien, se penchant vers le jeune idéaliste, décelait-il le sang d'un compatriote de Schiller? D'autre part, la bonne humeur et la franchise de Coupleur plaisaient à Jacques. En outre, ses récits sur les théâtres, les concerts, les bals, dont il ne manquait pas un, surtout ce monde inconnu de Jacques, n'osait pénétrer, occupait secrètement et agitait le jeune sociétaire, sans exciter pourtant, lui, le désir de connaître tout cela par sa propre expérience. Plateau-Chat aussi ne voyait pas Coupleur de très mauvais œil. Elle le trouvait bien un peu trop sans façon. Mais sentant par instinct qu'il était sincèrement attaché à son cher Yasha, non seulement elle supportait la présence de cet hôte bruyant, mais elle lui témoignait de la bienveillance. À cette époque se trouvait à Moscou une princesse géorgienne, personnalité douteuse, presque suspecte. Elle frisait déjà la quarantaine. Dans sa jeunesse, elle avait probablement fleuri de cette beauté particulière aux orientales qui se flétrit si vite. Maintenant, elle se mettait du blanc, du rouge et se teignait les cheveux en jaune. Des bruits divers qui n'étaient ni très avantageux ni très clairs couraient sur son compte. Personne n'avait connu son mari et elle n'avait jamais habité longtemps la même ville. On ne lui connaissait ni famille, ni fortune, et pourtant elle vivait assez ouvertement à crédit ou d'autres façons. Elle tenait, comme on dit, un salon et recevait d'une société quelque peu mêlée, des jeunes gens pour la plupart. Tout dans sa maison, à commencer par sa toilette, ses meubles, sa table, et en finissant par ses équipages et ses domestiques, tout portait le cachet de quelque chose de passager, de médiocre, de camelot en un mot. Mais ni la princesse ni ses visiteurs ne semblaient exiger mieux. La princesse avait la réputation d'être amateur de musique, de littérature et protectrice des arts et des artistes. Et en effet, elle s'intéressait à toutes les choses jusqu'à l'exaltation. Exaltation qui n'était pas tout à fait factice. Évidemment, il y avait en elle une petite veine esthétique. De plus, elle était très accessible, très aimable, bonne enfant même, et ce que beaucoup ne soupçonnaient pas, elle avait le cœur tendre et très compatissant, qualité rare et d'autant plus précieuse dans les personnes de ce genre. « C'est une cervelée, » avait dit d'elle un plaisant, « mais elle ne peut rater son paradis, car elle pardonne tout et tout lui sera pardonné. » On disait d'elle que, lorsqu'elle disparaissait de quelque ville, elle y laissait autant de gens à qui elle avait fait du bien que le créancier. Coupleur, comme il fallait s'y attendre, fut introduit dans la maison. Il devint bientôt intime, trop intime, disaient les mauvaises langues. Quant à lui, il parlait toujours de la princesse, non seulement avec affection, mais avec respect. Il la traitait de femme d'or. Quoi qu'on en dise, il croyait fermement et à son amour de l'art, et à son intelligence de l'art. Voici qu'un jour, étant à dîner chez les Aratov, après avoir longuement causé de la princesse et de ses soirées, Coupleur se mit à tâcher de persuader Jacques de quitter, ne fût-ce que pour une fois, sa vie d'anachorète et de lui permettre de le présenter à sa chère amie. Jacques commença par ne rien vouloir entendre. « Mais que t'imagines-tu ? » s'écria enfin Coupleur. « De quelle sorte de présentation s'agit-il ? » Je te prendrai tout bonnement, comme te voilà, là, redingote, et je te mènerai à l'une de ces soirées. Point d'étiquette chez elle, frère. Tu es un savant, toi, tu aimes la littérature et la musique. Dans le cabinet d'Aratov se trouvait en effet un pianino sur lequel il prenait quelquefois des accords diminués. Eh bien, dans sa maison, il y a de tout cela, en veux-tu, en voilà. Tu y rencontreras aussi des gens sympathiques, sans prétention. Et puis enfin, il est impossible à ton âge, avec ton extérieur, Aratov baissa les yeux et fit un mouvement de la main. « Oui, oui, avec ton extérieur, de fuir ainsi le monde, la société. Ce n'est pas chez les généraux que je te mène, d'autant plus que je ne connais pas moi-même de généraux. Ne fais pas l'obstiné, mon petit pigeon. La morale est une bonne et respectable chose, mais il ne faut pas la pousser jusqu'à l'ascétisme. Tu ne te prépares pas à devenir moine, n'est-ce pas ?» Aratov, pourtant, continuait à faire l'obstiné, mais à l'aide de Kupfer vint inopinément vers la Tonida. Quoique elle ne comprit pas bien ce que voulait dire ce mot « ascétisme », elle trouva aussi que son petit Jacques ferait bien de se distraire, et comme on dit, de voir et de se faire voir. « D'autant plus, ajouta-t-elle, que j'ai la plus grande confiance en Fyodor Fyodorovitch, et il ne te mènera pas dans un endroit, qui que ce soit. Je vous le ramènerai dans toute son impeccabilité, s'écria Fouquefer, sur lequel Platonida, malgré toute sa confiance, jeta des regards inquiets. Aratov rougit jusqu'aux oreilles, mais cessa de protester. La conclusion fut que, dès le jour suivant, Kupfer le mena une soirée chez la princesse. Mais Aratov n'y resta pas longtemps. En premier lieu, il y trouva une vingtaine de visiteurs, hommes et femmes, sympathiques peut-être, mais qui, dans tous les cas, lui étaient étrangers. Et cela le gênait, quoiqu'il n'eût pas l'occasion de beaucoup causer, ce qu'il redoutait par-dessus tout. En second lieu, la maîtresse de la maison ne lui plut pas, quoiqu'elle l'eût reçue d'une façon simple et affable. Tout en elle lui déplaisait, ce visage maquillé, ses cheveux jaunes ébouriffés, et cette voix enrouée et douceâtre, ce rire chevrotant, cette façon de rouler ses yeux vers le ciel, cet excès de décolletage et surtout ses mains grasses et luisantes chargées de bagues. S'étant fouillé dans un coin, Aratov tantôt parcourait rapidement les visages des visiteurs, ne pouvait trop les distinguer les uns des autres, et tantôt regardait obstinément ses propres pieds. Quand enfin un artiste étranger, au visage fatigué, aux longs cheveux gras, avec un carreau de verre enchâssé sous un sourcil froncé, se plaça au piano, et ayant frappé des deux mains sur le clavier et du pied sur la pédale, se mit à pourfendre une fantaisie de Liszt sur les thèmes de Wagner. Aratov dit un plu et disparut, emportant dans son âme une impression lourde et confuse, à travers laquelle perçait pourtant quelque chose de, il ne se rendait pas compte, quelque chose de significatif et même de menaçant. Kupfer revint dîner le jour suivant. Il ne parla pas à Aratov de la soirée de la veille et ne lui reprocha point sa honteuse fuite. Il se contenta de regretter qu'il ne fût pas resté jusqu'à l'heure du souper où l'on avait servi du champagne, fabriqué à Nijni Novgorod, nous empressons-nous d'ajouter. Kupfer avait probablement compris qu'il s'était trompé en essayant de réveiller Aratov et que, décidément, ce genre de société ne lui allait pas. De son côté, Aratov, bien entendu, ne dit mot ni de la princesse ni de sa soirée. Platonida elle-même ne savait si elle devait se réjouir de l'insuccès de cette première tentative ou s'en affliger. Elle décida enfin que la santé de son Yasha pouvait souffrir de pareilles sottises et de pareilles sorties tardives et se tranquillisa. Kupfer partit aussitôt après le dîner et ne montra plus le bout de son nez pendant toute une semaine. Donc il en voulut à Aratov. Le brave garçon en était incapable. Mais évidemment, il avait trouvé une occupation qui prenait tout son temps et toutes ses pensées, car, même par la suite, il ne faisait plus que de rares apparitions chez les Aratov, parlait peu et avait l'air distrait. Naratov continuait à vivre comme par le passé. Mais je ne sais quelle sorte de crochet lui était resté dans l'âme. Il tâchait toujours de se rappeler quelque chose, sans savoir précisément quoi, mais ce quelque chose se rapportait à la soirée chez la princesse. Quant à y retourner, il n'y songeait guère. Cet échantillon de la société qu'il avait fui inspirait une répulsion de plus en plus décidée. Quelques semaines se passèrent ainsi. Et voilà qu'un beau jour reparut Kupfer, l'air assez confus. « Je sais, commença-t-il avec un rire un peu forcé, que ta visite d'alors n'a pas été de ton goût, mais j'espère que cette fois-ci, tu continueras, sentiras ma proposition, tu ne refuseras pas ma prière. » « De quoi s'agit-il ? » demanda Aratov. « Ma voiture, continua Kupfer, s'animant de plus en plus. « Il y a ici une société d'amateurs, d'artistes, qui organise de temps en temps des concerts, des lectures et même des représentations théâtrales dans un but de bienfaisance. « La princesse y prend part ?» interrompit Aratov. « La princesse prend toujours part à toutes les bonnes œuvres. Mais il n'importe. Nous sommes en train de donner une matinée musico-littéraire. Et à cette matinée, tu pourras entendre une jeune fille, oh, une jeune fille extraordinaire. Nous ne savons pas encore pour sûr, est-ce une Rachel, est-ce une Viardot. Elle chante admirablement et elle déclame, elle joue. Un talent de premier ordre, frère, sans exagération. Allons, voyons, prendras-tu un billet? C'est 5 roubles si c'est au premier rang. Et d'où a poussé cette jeune fille étonnante ? Demanda Aratov. Kupfer sourit à pleines dents. Ah, cela, mon cher, je ne puis te le dire. Ces derniers temps, elle a demeuré chez la princesse. La princesse, tu le sais, protège toutes ces personnes-là. Tu as dû la voir à cette soirée. Aratov eut comme une sorte de léger soubresaut intérieur. Mais ne dit mot. Elle a même joué quelque part en province, continua Kupfer. Et en général, elle est faite pour le théâtre. Ah, tu verras toi-même. Comment est son nom ? Demanda Aratov. Clara. Clara ? Interrompit Aratov de nouveau. Mais c'est impossible ! Pourquoi donc est-ce impossible ? Clara, oui, Clara Bilic. Ce n'est pas son vrai nom, mais c'est ainsi qu'on l'appelle. Elle chantera une romance de Glinka, et puis une de Tchaïkovski, et puis elle déclamera la lettre de Tatiana dans Eugène Onegin. Tu verras. Mais bien, alors prends-tu un billet ? Mais quand cela aura-t-il lieu ? Demain, à 1h30, dans un salon particulier, dans l'Ostrogenka. Je viendrai te prendre un billet de 5 roubles. Allez, le voilà. Ah non, pardon, celui-là est de 3 roubles. Tiens, voilà aussi le programme. Je suis un des commissaires. Aratov devint rêveur. Platonida entra dans la chambre et ayant jeté un regard sur Aratov, fut prise d'une subite inquiétude. Yasha, qu'as-tu ? S'écria-t-elle. Pourquoi as-tu l'air si troublé ? Fedor Fyodorovitch, que lui avez-vous donc dit ? Aratov ne donna pas à Kupfer le temps de répondre, et arrachant brusquement le billet qu'il lui tenait, donna l'ordre à Platonida de payer immédiatement ses 5 roubles. Celle-ci s'étonna, battit les paupières, mais remit l'argent à Kupfer en silence. Yasha lui avait parlé avec trop de sévérité. Bon, je te le répète, c'est une merveille, une vraie merveille, s'écria Kupfer en s'élançant vers la porte. À demain ! Attends un peu, elle a les yeux noirs ? Demanda Aratov. Oh, comme un charbon, répliqua gaiement Kupfer, et il disparut. Aratov rentra dans sa chambre et Palatonida resta immobile à la même place, en murmurant à voix basse « Allez, Seigneur, Seigneur, allez !» Une grande salle dans une maison particulière de l'Ostojenka était à moitié pleine de visiteurs quand Aratov et Kupfer y firent leur entrée. On donnait quelquefois des représentations théâtrales dans cette salle. Mais cette fois, on n'y voyait ni décor ni rideau. Les ordonnateurs de la matinée s'étaient contentés d'élever une estrade et d'y placer un piano, une paire de pupitres, quelques chaises et une table avec un verre d'eau. On avait suspendu un morceau de drap rouge devant la porte de la pièce réservée aux exécutants. La princesse, vêtue d'une robe d'un vert éclatant, était déjà installée au premier rang des sièges. Aratov prit place non loin d'elle, après avoir échangé un rapide salut. Le public était mélangé. C'était pour la plupart de jeunes étudiants de diverses écoles. Kupfer, en sa qualité de commissaire, une rosette blanche sur le revers de son habit, se démenait de son mieux. La princesse, visiblement agitée, se tournait, envoyait des sourires dans toutes les directions, interpellait ses voisins. Il n'y avait autour d'elle que des hommes. Le premier, sur l'estrade, apparut un flûtiste d'apparence éthique. Il crachota, enfin je veux dire, il sifflota un petit morceau tout aussi éthique que lui-même. Deux messieurs crièrent « Bravo !» Puis vint un gros monsieur à lunettes, d'une apparence grave et même sévère, qui lut avec une sourde voix de basse un récit humoristique de Schedrine. Le récit fut applaudi, mais pas le lecteur. Puis apparut le pianiste, déjà connu d'Aratov. Il tambourina sa même fantaisie de Liszt. Celui-là fut gratifié d'un rappel. Il saluait, la main appuyée sur le dossier de la chaise, et après chaque inclination, il rejetait les cheveux en arrière, tout à fait comme Liszt. Enfin, après un assez long intervalle, le drap rouge remua, puis fut brusquement écarté, et Klara Milic parut. Les applaudissements éclatèrent. Elle s'avança sur l'estrade d'un pas indécis. Elle s'arrêta, ayant croisé devant elle ses mains belles mais grandes et non gantées, et resta immobile, sans faire de révérence, sans incliner la tête et sans sourire. C'était une jeune fille de 19 ans, grande, bien faite, un peu large d'épaule, le teint basané, d'un type moitié juif, moitié bohémien. Des yeux petits, très noirs, sous d'épais sourcils qui se rejoignaient presque au-dessus d'un nez très droit et un peu court du bout, des lèvres fines, la courbe élégante, une énorme tresse noire, lourde même à l'œil, un front bas et immobile comme en pierre, et de toutes petites oreilles, l'expression du visage rêveuse, presque farouche. Une nature passionnée, volontaire, sans grande bonté, sans grand esprit, mais certainement douée, se montrait dans toute sa personne. Pendant quelque temps, elle se tint les yeux baissés. Puis tout à coup, elle se redressa, promenant sur les rangs des spectateurs, son regard lent et triste, mais non attentif, et comme replié en lui-même. « Oh, quel yeux tragiques, là !» remarqua un vieux beau à cheveux gris, avec un visage de cocotte allemande, collaborateur et correspondant de journaux bien connu à Moscou, qui se tenait derrière Aratov. Ce vieux beau était bête et ne disait que des bêtises, mais cette fois, il avait raison. Aratov, qui, depuis l'apparition de Klara, ne l'avait pas quitté des yeux, se souvint seulement alors qu'effectivement il l'avait vue chez la princesse, et que non seulement il l'avait vue, mais qu'il avait remarqué que plusieurs fois son regard sombre s'était fixé sur lui avec insistance. Et même maintenant, ou bien se trompait-il ? L'ayant aperçu au premier rang, elle parut ressentir un mouvement de joie, rougit, et le regarda de nouveau fixement. Puis, sans se retourner, elle recula de deux pas vers le piano, où déjà elle était assise son accompagnateur, l'artiste étranger aux longs cheveux. Elle devait chanter la romance de Glinka « Dès que je t'ai connue ». Mais elle commença aussitôt, sans changer la pose de ses mains et sans regarder la musique. Elle avait une voix de contralto, sonore et veloutée. Elle prononçait les paroles avec une précision un peu lourde. Son chant était monotone, sans nuance mais pathétique. Elle chante avec conviction, cette fille, remarqua de nouveau le vieux beau assis derrière Aratov. Et, de nouveau, il disait vrai. Les cris « Bis, bravo !» retentirent de tous côtés. Mais elle jeta un regard rapide sur Aratov, qui ne criait ni n'applaudissait. Le chant de cette fille aux yeux sombres ne lui avait pas autrement plu. Elle fit un léger salut et s'éloigna, sans accepter le bras arrondi que lui présentait le pianiste chevelu. On la rappela, mais elle se fit attendre. Puis, revenant du même pas incertain, elle dit deux mots à voix basse à l'accompagnateur, qui dut changer la musique qu'il avait préparée, et elle se mit à chanter la romance de Tchaïkovski. Celui la seule qui connaît le désir de revoir. Et elle chanta cette romance tout autrement que la première, à demi-voix, comme si elle eût été fatiguée, et ce n'est qu'à l'avant-dernier vers, comprendra ce que j'ai souffert, que s'arracha de sa poitrine un cri brûlant et passionné. Le dernier vers, et comme je souffre, elle le murmura à peine, appuyant douloureusement sur la dernière parole. Cette romance produisit moins d'impression sur le public que celle de Glinka. Cependant, il y eut beaucoup d'applaudissements. Kupfer surtout le distingua. En frappant les paumes creuses de ses deux mains, il produisait un bruit particulièrement sonore. La princesse lui remit un grand bouquet ébouriffé pour qu'il l'offrit à la cantatrice, mais elle n'eut l'air de remarquer ni la figure inclinée de Kupfer, ni le bouquet qu'il lui tendait au bout de son bras. Elle se retourna brusquement et s'en alla de nouveau, sans attendre le pianiste qui avait bondi de sa chaise pour la reconduire et, déconcerté, secoua sa chevelure comme Litz ne l'avait peut-être jamais secouée. Pendant tout le temps qu'elle chantait, Aratov avait observé le visage de Clara. Il lui sembla, cette fois encore, qu'à travers les cils à demi fermés, ses yeux étaient tournés vers lui. Ce qui le frappait surtout, c'était l'immobilité de ce visage, de ce front, de ses sourcils. Ce n'est qu'à ce cri de passion qu'il avait vu briller un instant l'éclat vivant des deux rangées de dents serrées et blanches. Kupfer s'approcha de lui. « Eh bien, mon frère, qu'en dis-tu » demanda-t-il tout rayonnant de satisfaction. « La voix est bonne, » répondit Aratov, « mais elle ne sait pas encore chanter, elle n'a pas la véritable école. » Pourquoi il avait dit tout cela et quelle idée il avait de ce que c'est que l'école, Dieu seul le sait. Kupfer s'étonna. « Pas d'école, » dit-il lentement. « Eh bien, elle peut encore l'acquérir, mais aussi qu'elle l'a, attends un peu. » Tu l'entendras quand elle lira la lettre de Tatiana. » Il s'éloigna d'Aratov en courant, et celui-ci pensa, de l'âme, avec un visage si immobile. Il trouvait qu'elle se tenait, qu'elle se mouvait comme une personne magnétisée, comme une somnambule. Et en même temps, elle ne cessait de le regarder. Oui, c'était indubitable. Cependant, la matinée poursuivait son cours. Le gros homme à lunettes parut de nouveau. Malgré son extérieur solennel, il se croyait un comique. Il eut une scène de gogol sans exciter cette fois le moindre signe d'approbation. Le flûtiste passa de nouveau comme une ombre. Le pianiste tonna de nouveau. Un jeune garçon de 12 ans, pommadé et frisé, mais avec des traces de ferme dans les yeux, piailla je ne sais quelle variation sur le violon. Ce qui put sembler singulier, c'est que dans les entr'actes de la lecture de la musique, arrivaient de temps en temps, de la chambre des artistes, les sons saccadés d'un cornet à piston, et que pourtant cet instrument ne parut pas. On sut plus tard que l'amateur qui s'était offert pour en jouer avait pris peur au moment de se présenter devant le public. Mais voici qu'enfin Klára Milić reparut. Elle tenait dans sa main un volume de Pouchkine. Cependant, elle n'y regarda pas une seule fois pendant la lecture. Elle avait visiblement peur. Le petit volume tremblait dans ses doigts. Aratov remarqua aussi une expression d'abattement répandue maintenant sur son visage sévère. Elle prononça le premier vers. « Je vous écris, que dire de plus ?» très simplement, presque naïvement. Et elle tendit les deux mains en avant d'un geste également naïf, sincère et comme sans défense. Puis elle commença à se hâter. Mais à partir du vers, « Un autre, non, jamais je ne donnerai mon cœur à un autre !» Elle se maîtrisa, et quand elle arriva aux deux vers suivants, « Toute ma vie n'était qu'un gage que je te rencontrerai sûrement un jour !» Sa voix, jusqu'alors assez sourde, résonna tout à coup avec une exaltation enthousiaste et hardie, et ses yeux, avec la même hardiesse, se fixèrent droit sur Aratov. Elle continua ainsi, et c'est seulement vers la fin que sa voix baissa de nouveau, et dans sa voix comme sur son visage, reparut le même abattement. Elle précipita les derniers vers, le volume glissa de ses mains, et elle s'éloigna rapidement. Le public se mit à applaudir avec fureur et à la rappeler. Un jeune séminariste, entre autres, hurlait avec tant de violence le nom de Milić qu'un voisin le pria poliment et avec intérêt d'épargner en lui-même un futur protodiacre. Merlatov se leva aussitôt et se dirigea vers la sortie. Kupfer le rattrapa. « Mon nom du ciel, où vas-tu » s'écria-t-il. « Veux-tu que je te la présente à Klára ?»« Non, merci, » dit Aratov. Et il partit presque en courant pour retourner chez lui. Des sensations étranges et qu'il ne comprenait pas bien, lui-même, agitaient Aratov. Au fond, la manière de lire de Klára ne lui avait pas beaucoup plu. Cela lui avait paru exagéré, inharmonieux. Cela le troublait, lui semblait une sorte de violence qu'on lui aurait faite. Et puis, pourquoi ces regards obstinés, persistants, presque indiscrets? Mais qu'est-ce qu'ils signifiaient? La modestie d'Aratov ne lui permettait pas de penser un seul instant qu'il avait pu plaire à cette étrange fille, lui inspirer un sentiment semblable à de la passion. Et lui-même, ce n'est pas ainsi qu'il se représentait la jeune fille, encore inconnu, à laquelle un jour il se donnerait tout entier, qu'il aimerait aussi et que deviendrait sa fiancée. Il pensait rarement à cela, s'il était aussi vierge d'esprit que de corps. Mais la pure image qui surgissait alors dans son âme lui était inspirée par une autre image, celle de sa défunte mère, dont il se souvenait à peine, mais dont un portrait était conservé par lui comme un trésor sacré. Ce portrait avait été peint à l'aquarelle, assez peu habilement, par une voisine de campagne. Mais la ressemblance, au dire de tout le monde, était frappante. Le même profil délicat, les mêmes yeux bons et clairs, les mêmes cheveux soyeux, le même sourire, la même expression sereine du visage. Voilà ce que devait avoir cette jeune fille encore à venir, cette jeune fille qu'il n'osait presque pas attendre. Tandis que cette brune basanée aux grands cheveux, au duvet sur la lèvre, cet être fantasque est certainement pas bon. Cette bohémienne, Aratov ne pouvait trouver une pire expression, mais que lui était-elle? Et cependant, Aratov n'avait pas la force de chasser de sa tête cette bohémienne basanée dont le chant, la déclamation et même l'extérieur ne lui plaisaient pas. Il s'en étonnait, il s'en voulait. Peu de temps auparavant, il avait lu le roman de Walter Scott, « Les eaux de Saint-Rouen ». La collection des œuvres complètes de Walter Scott se trouvait dans la bibliothèque de son père, qui respectait chez le romancier écossais un écrivain sérieux, presque scientifique. L'héroïne de ce roman se nomme Clara Overbury. Un poète de l'année 1840 avait écrit sur elle une pièce de vers qui se termine ainsi « Malheureuse Clara, Clara l'insensée, malheureuse Clara !» Aratov connaissait cette poésie, et voici que maintenant, ses dernières paroles lui revenaient sans cesse à la mémoire « Malheureuse Clara, Clara l'insensée !» C'est pour cela qu'il avait eu un mouvement de surprise en entendant Kupfer nommer Clara Milich. Platonida elle-même remarqua non pas un changement dans l'humeur de Jacques, mais au fond, aucun changement ne s'était produit en lui, mais bien quelque chose d'inusité dans ses regards, dans ses discours. Elle le questionna avec précaution sur la matinée musicale à laquelle il avait assisté, murmura, soupira, le regarda d'un côté, de l'autre, par devant, par derrière, et se frappant tout à coup les côtés des deux mains, elle s'écria « Alors, Yasha, je vois de quoi il s'agit !»« De quoi donc ?» demanda Aratov. « Oh, tu as certainement rencontré à cette matinée quelqu'une de ces traîneuses de queue !» C'est ainsi que Platonida nommait toutes les dames portant des robes à la mode. Elle a une frimousse provocante, elle se tortille de ci, elle se tortille de là. Et Platonida imitait ce tortillage. Et avec les yeux, elle fait des ronds comme cela. Et Platonida décrivait avec son index de grands cercles dans l'air. Et toi, qui n'y es pas habitué, ça t'a fait de l'effet. Mais c'est rien, Yasha. Cela ne veut rien dire du tout. Prends une tasse de café, de thé ou de tilleul avant de te coucher, et tout sera fini avec l'aide de Dieu. Platonida se tut et s'éloigna. Il y avait longtemps qu'elle n'avait prononcé un discours aussi long et aussi animé. Et Aratov pensa, qui sait ? L'attente a peut-être raison. Tout ça n'est peut-être que manque d'habitude. C'était en effet la première fois qu'il lui était arrivé d'attirer l'attention d'une personne du beau sexe. Dans tous les cas, il ne l'avait jamais remarqué. Il reprit ses livres et vers le soir, il but une tasse de tilleul et il dormit très bien toute la nuit sans avoir aucun rêve. Le lendemain matin, il reprit comme de coutume ses études de photographie. Mais sa tranquillité fut troublée de nouveau dans la même journée. Un commissionnaire lui apporta un billet d'une écriture féminine, grande et irrégulière, ainsi conçue. « Si vous devinez qui vous écrit, et si cela ne vous ennuie pas, venez demain après dîner vers 5 heures au boulevard de la Tverskoï et attendez. On ne vous retiendra pas longtemps, mais c'est très important, venez. » Il n'y avait pas de signature. Aratov devina sans hésiter qui était sa correspondante, non sans un mouvement d'humeur. « Oh, quelle folie !» dit-il presque à haute voix. « Il manquait plus que cela. Naturellement, je n'irai pas. » Il fit pourtant appeler le commissionnaire, duquel il n'apprit rien, sinon que le billet lui avait été remis dans la rue par une femme de chambre. L'ayant renvoyé, Aratov relut le billet et le jeta par terre. Mais quelques instants après, il le ramassa, le relut encore et s'écria de nouveau « Mais quelle folie !» et le jeta non plus à terre, mais dans un tiroir de sa table. Il revint à ses occupations habituelles, tantôt à l'une, tantôt à l'autre, mais cela n'allait plus. Il remarqua tout à coup qu'il s'était mis à attendre Kupfer. Voulait-il l'interroger ou même lui communiquer ? Mais Kupfer ne venait pas. Alors il prit un volume de Pouchkine, lut la lettre de Tatiana et se convainquit bientôt que cette bohémienne n'avait pas du tout compris le vrai sens de cette épître célèbre. « Mais cet imbécile de Kupfer qui s'écrit Rachel Viardot !» Ensuite il s'approcha de son pianino, leva inconsciemment le couvercle, essaya de trouver sur les touches la mélodie de la romance de Tchaïkovski, mais referma aussitôt avec dépit l'instrument et se dirigea vers la chambre de sa tante, petite pièce toujours chauffée, avec une perpétuelle odeur de menthe de sauge et d'autres plantes salutaires, et dans laquelle il y avait une si grande quantité d'étagères, de petits tapis, de petits bancs, de petits coussins, de petits meubles rembourrés qu'un homme qui n'en avait pas l'habitude, pouvait à peine s'y retourner et y respirer. Platonida se tenait près de la fenêtre, tricotant un cache-nez pour son yasha. C'était le 38e qu'elle lui faisait depuis sa naissance. Elle fut assez étonnée de le voir, car il la visitait rarement, se contentant, chaque fois qu'il avait besoin d'elle, de crier de son cabinet « Tante Platosha !» Elle le fit pourtant s'asseoir, et dans l'attente de ses premières paroles, se dressa, attentive, en le regardant, d'un œil à travers ses besicles et de l'autre par-dessus. Elle ne s'enquit pas de sa santé, et ne lui proposa pas de tilleul. Elle se doutait bien qu'il était venu pour autre chose. Aratov, après un peu d'hésitation, se mit à parler. À parler de sa mère, et comment elle avait vécu avec son père, et comment elle avait fait sa connaissance. Il savait tout cela fort bien, mais il éprouvait le besoin de parler précisément de ces choses. Malheureusement, Platonida ne savait pas du tout raconter. Elle répondait très brièvement, comme si elle eût soupçonné que ce n'était pas non plus pour cela que son yasha était venu la trouver. « Eh bien quoi ? » répétait-elle en agitant hâtivement et comme avec dépit ses aiguilles. « Certainement, oui, ta mère était une colombe, comme sont toutes les colombes. Et ton père l'aimait comme il convient à un mari, fidèlement et honnêtement, jusqu'au tombeau. Et il n'a jamais aimé une autre femme, » ajouta-t-elle en élevant la voix et en arrachant les besicles de son nez. Et elle était d'un naturel timide ? Demanda Aratov, après un moment de silence. Naturellement timide, comme il convient à notre sexe. Les hardis, cela m'a poussé que dans les derniers temps, Et de votre temps, il n'y en avait donc pas de hardis? Oh, il y en avait, de notre temps aussi, mais comment n'y aurait-il pas eu? Mais qui? Quelque rien du tout. Elle a son jupon tout crotté, elle se jette de ci, de là, l'effrontée. Mais qu'est-ce que ça lui fait? Alors l'imbécile lui tombe sous la main, c'est justement son affaire. Et les hommes posés la dédaignent. Rappelle-toi bien, en as-tu jamais vu de pareil dans notre maison? Karatov ne répondit rien et retourna dans son cabinet. Platonida le suivit du regard, hocha la tête, rajusta ses besicles et se remit à son cache-nez, mais plus d'une fois devint rêveuse et laissa retomber ses aiguilles sur ses genoux. « Non, non !» se disait Aratov toute la soirée. Et de nouveau, il se reprenait à penser à ce billet, à cette bohémienne, à cet appel auquel il ne se rendrait certainement pas. Mais même la nuit, il n'eut pas de repos. Il croyait toujours voir ses yeux noirs, tantôt à demi voilés, tantôt tout grands ouverts, est toujours obstinément fixé sur lui et ses traits immobiles avec leur expression impérieuse et morne. La matinée suivante, il se mit encore à espérer la visite de Kupfer. Il fut même sur le point de lui écrire. Du reste, il ne travailla pas, il ne fit que se promener de long en large dans sa chambre. Il continuait à ne pas vouloir admettre la pensée qu'il irait à ce sot rendez-vous. Et vers 3h30, après un dîner hâtivement avalé, il jeta un manteau sur ses épaules, enfonça son bonnet sur sa tête, et évitant d'être vu par sa tante, bondit dans la rue et se dirigea vers le boulevard Tverskoï.